2041. Activation orale, passé composé, négation et pronom. Répondez selon l'exemple, vous entendez. 1. Vos enfants ont fait de l'allemand. Et vous répondez. Non, ils n'en ont pas fait. Allons-y. 2. Vous avez fini vos devoirs, vous deux? Non, nous ne les avons pas finis. 3. Est-ce que Mireille a eu le prix de mathématiques? Non, elle ne l'a pas eu. 4. Tu as lu les romans d'Hemingway, toi? Non, je ne les ai pas lus. 5. Est-ce que le garçon de la closerie a connu Hemingway? Non, il ne l'a pas connu. 6. Est-ce qu'il l'a lu? Non, il ne l'a pas lu. 7. Est-ce que vous avez entendu parler de Marienbad? Non, je n'en ai pas entendu parler. 8. Est-ce que vous êtes allé? Non, je n'y suis pas allé. 9. Est-ce que vos filles ont fait de l'histoire de l'art? Non, elles n'en ont pas fait. 10. Est-ce que Robert a parlé aux parents de Mireille? Non, il ne leur a pas parlé.